m'a fait. D'un coup tout a changé, des larmes colorées jaillissent de mes yeux. Je vis, je crois enfin, quand je te prends dans mes bras, tous les univers s'ouvrent à moi. Les univers s'ouvrent à moi quand tu es près de moi. Dis-moi ce que tu m'as fait. Que je ressuscite ma fée Alice, ce que tu me fais, ce que tu me fais. Non, ne regarde pas comme ça, je veux mourir dans tes bras, je peux mourir dans tes bras, quand tu me regardes comme ça. Des univers s'ouvrent à moi, avant toi l'amour n'existe pas. Dis-moi ce que tu m'as fait. Dis-moi ce que tu m'as fait. Dis-moi ce que tu m'as fait. Pour que je ressuscite ma fée Alice, ce que tu me fais. Que tu me fais. Il y a des vortex dans tes yeux qui me happent infiniment. Le monde est tellement différent au fond de tes yeux. Des univers s'ouvrent à moi, il n'y avait rien avant toi.